Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle du dernier volet d'Harry Potter, nous allons prendre des nouvelles du prisonnier d'Azkaban. Harry Potter a maintenant 13 ans. Il sort d'un nouvel été d'enfer chez sa tante et son oncle, deux abominables rabat-joie, qui l'empêchent d'user de ses pouvoirs magiques. On apprend qu'un énigmatique et dangereux sorcier du nom de Sirius Black s'est échappé de la prison d'Azkaban et serait à la recherche d'Harry Potter. Il était tout près, si près que j'aurais pu le toucher. Sirius Black s'est évadé de la prison d'Azkaban. Jure-moi que tu n'essaieras pas de chercher Black. Pourquoi j'essaierais de chercher quelqu'un qui veut me tuer ? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est pour le ménage. Je reviendrai plus tard. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, disponible en DVD et en Blu-ray, Warner Home Video.